Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. On est à un mois des championnats du monde de dynamophilie qui va se dérouler en Russie. Dans un mois, jour pour jour, William Veilleux va participer à cette compétition-là. Et question de savoir comment que ça va son entraînement. On lui parle. Salut, William. Salut. William, on est à un mois de l'exercice. Comment tu te sens? Je me sens de plus en plus prêt. OK. Et sur quoi tu travailles, évidemment, au cours des... tu as travaillé au cours des derniers mois, là. Au cours des derniers mois, j'ai travaillé beaucoup sur ma technique. Puis, tout m'élevé. Puis, je travaille sur ma force, puis je monte ça pour le championnat du monde. OK. Quand tu dis technique, c'est quoi, ou juste l'exercice que tu fais? Ben, c'est le squat, le bench, puis le deadlift. OK. Pour chacun, puis c'est des mouvements quand même beaucoup techniques, rendus à un certain niveau, faut savoir maintenir une bonne technique. OK. William, si on parlait un peu de la compétition qui va être là, je sais que j'ai parlé avec ton père Harold au cours des dernières du dernier mois lorsque tu as obtenu ton laissez-passer, il me disait que rien moins qu'un podium, est-ce que c'est réalisable? OK. Ça va dépendre de quoi? Ben, ça va dépendre... Tout se fait en compétition, tout se fait sur le stage. OK. Ça va se passer là-bas. OK. Là-bas, moi, je suis prêt, j'arrive là pour... Je suis en bas. OK. Puis sur quoi, juste, je veux dire, William, tu... les plus gros adversaires, ça vient de où? Est-ce que, bon, ça vient-tu des pays de l'ancien bloc de l'Est? Ça vient-tu un petit peu du côté des États-Unis? De où va venir ton plus gros adversaire? Ben, là, j'ai un gros adversaire du Kazakhstan, puis des États-Unis, j'en ai deux. OK. Il y a beaucoup de leveurs. On est 15 dans ma catégorie qui se sont classés, puis qui vont être là en Biélorussie. OK. Le fait que tu vas être loin de ton pays, décalage horaire, préparation, est-ce que ça va être un désavantage pour toi? Moi, je vais me préparer pour ça. Avec mon coach et tout, lui, il a de l'expérience. Il a déjà fait une compétition en Russie. Donc, on va se préparer dans ces conditions-là. On va s'organiser pour pas que ce soit un désavantage. Parce que ça peut être le manger, donc ça peut aller. Faut justement que tu y ailles jusque-là, là. Il faut que tu emmènes ton propre manger, j'imagine, là. Le manger à Minsk en Biélorussie, c'est correct. Il n'y a pas de danger vraiment. Mais c'est sûr que faut que je fasse attention à tout. Les restaurants que je fréquente, l'eau que je bois. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. OK. Parle-moi maintenant, William, au niveau financier. La dernière fois, Harold m'a dit que c'était très dispendieux. De ce côté-là, comment ça va? Ben, présentement, j'ai eu quand même l'aide de beaucoup. J'ai eu beaucoup d'aide, beaucoup de contributions financières locales, puis aussi jusqu'au Saguenay. Ça va quand même bien, mais je suis toujours à la recherche parce que c'est pas assez. T'sais, c'est un voyage qui va coûter. C'est dans les 4 000 $, puis ça compte pas les suppléments, le gym, le coaching. Ouf! À date, j'ai pas atteint mon objectif, il m'en manque encore, puis j'encourage toutes les compagnies, les personnes, n'importe qui, si vous pouvez faire un don, n'importe quoi. OK. Dis-moi, tu pars combien de temps d'avance? Parce que là, il y a un décalage horaire. Je pense que c'est 6 heures. C'est 6 heures de décalage horaire. On dit que le décalage horaire, c'est une heure par jour. Donc, J'imagine que tu peux partir quoi, une semaine avant la compétition? Ok, est-ce que ton père y va, oui? Ok. Ok. Le fait que tu es à Dolbeau-Missassini, tu es en région éloignée, est-ce que ça c'est un désavantage pour ta préparation? Tu serais à Montréal, genre, est-ce que ça t'aiderait? Ben William, on va te souhaiter de la meilleure des chances. On va être là, on va te suivre de très très près. Puis au plaisir de se reparler. Puis bonne chance en Biélorussie, c'est ça? Même à Minsk en Biélorussie. Donc le 18 juin, on va être avec toi. Puis on va crier merde. Voilà William Veilleux qui va participer au championnat du monde de dynamophilie en Biélorussie le 18 juin prochain.